Chapitre 5. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous comme une offrande et un sacrifice d'agréable odeur qui plaît à Dieu. Vous êtes membres du peuple de Dieu, par conséquent il ne convient pas que n'importe quelle forme d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. Sachez-le bien, aucun homme immoral, impur ou avare, car être avare est une façon d'adorer des idoles, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles insensées. C'est à cause de telles fautes que la colère de Dieu va frapper ceux qui refusent de lui obéir. N'ayez donc rien de commun avec ces gens-là. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant, par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des personnes qui appartiennent à la lumière, car la lumière produit toutes sortes de bonté, de droiture et de vérité. Efforcez-vous de distinguer ce qui plaît au Seigneur. N'ayez rien de commun avec ceux qui accomplissent des actions inutiles, propres à l'obscurité. Mettez plutôt ces actions en pleine lumière. On a honte même de parler de ce que ces gens-là font en cachette. Quand toutes ces actions sont mises en pleine lumière, leur vraie nature se révèle clairement. En effet, tout ce qui est clairement révélé devient lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. » Prenez donc bien garde à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous conduisez pas comme des ignorants, mais comme des sages. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente à vous, car les jours que nous vivons sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas insensés, mais efforcez-vous de comprendre comment le Seigneur veut que vous agissiez. Ne vous enivrez pas de vin. Cela ne peut que vous amener à vivre dans le désordre. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Adressez-vous les uns aux autres au moyen de psaumes, d'hymnes et de cantiques. Chantez des cantiques et des psaumes au Seigneur en le louant de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père en tout temps et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres à cause du respect que vous avez pour le Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ lui-même est le sauveur de l'Église, qui est son corps. Ainsi, les femmes doivent se soumettre en tout à leur mari, de la même façon que l'Église se soumet au Christ. Marie, aimez vos femmes de la même façon que le Christ a aimé l'Église et donné sa vie pour elle. Il a agi ainsi pour rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. Car il voulait se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune autre imperfection. Les maris doivent donc aimer leur femme, comme ils aiment leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, personne n'a jamais haï son propre corps. Au contraire, on le nourrit et on en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. Comme le déclare l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront un seul être. C'est une vérité importante qui est révélée dans ce passage. Pour ma part, j'estime qu'elle se rapporte au Christ et à l'Église. Mais elle s'applique aussi à vous. Il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari.